Jusqu'au 21 avril 2024, la Fondation Cartier pour l'art contemporain présente Le souffle de l'architecte, une exposition inédite de Bijoy Jain, fondateur du studio Mumbai et figure incontournable de la scène architecturale indienne. Dans cette création totale explorant les liens entre l'art, l'architecture et la matière, il déploie, en dialogue avec le bâtiment de Jean Nouvel, un espace de rêverie et de contemplation. Une expérience physique et émotionnelle à vivre à la Fondation Cartier. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Artiste et militante, autrice et anthropologue, femme et noire. L'une est écrivaine, l'autre journaliste et la troisième danseuse. Toutes les trois ont une formation d'anthropologue qu'elles combinent avec leur intérêt, leur vécu, leur engagement dans la première moitié du XXe siècle, dans l'entre-deux-guerres. Et puis, après encore, elles ont su réinventer l'anthropologie. Leur rapport, disons-le, est souvent minimisé. Il est pourtant considérable. Avec tant que d'autres, elles ont pensé cette histoire noire. En 1963, Léopold Sédar Senghor, alors président de la République du Sénégal, prononce une allocution à propos du premier festival mondial des arts nègres, celui de Dakar. La portée historique de l'événement tient à deux faits. Le premier est que le festival se déroulera à Dakar, au Sénégal, partant en Afrique, berceau de l'homme noir, voire de l'Homo sapiens. Ce sera là plus qu'un retour aux sources, véritablement un enracinement de l'homme dans la terre-mère. Le second fait est que la défense dépassée, le festival sera une illustration de la négritude. Non plus une théorisation, mais parce qu'illustration, une action, une contribution positive à l'édification de la civilisation de l'universel. Nous étions en 1963 quand Léopold Sédar Senghor annonce la tenue de ce festival des arts nègres. Le festival a lieu en 1966. Bonjour Sarah. Bonjour. Et bonjour. Bonjour. Sarah Fila Bakabadio. Quand on entend Léopold Sédar Senghor, le festival de ces arts nègres en 1966 à Dakar, on peut quand même dire qu'il y a tout ce passé qui dépasse simplement ce que l'on met souvent en avant, la négritude, Léopold Sédar Senghor. Enfin, toute cette pensée-là, il y a une pensée d'anthropologue antérieure portée par des femmes. Alors oui, effectivement, il y a une pensée, une pratique surtout de ces femmes qui travaillent sur le terrain, sur la rencontre, beaucoup, entre elles, qui sont donc ces femmes dans l'exposition, Eslanda Robison, Catherine Dunham et Zora Neale Hurston, qui sont, en l'occurrence, des femmes qui vont aller utiliser leur art pour aller rencontrer des Haïtiens, des Martiniquais, des Africains. Ben oui, voilà, cette exposition est consacrée à ces trois figures. Sarah Frius-Algas, bonjour. Bonjour. De Sarah aujourd'hui, responsable des archives et de la documentation des collections de la médiathèque du musée du Quai Branly Jacques Chirac à Paris. Et vous êtes surtout commissaire de l'exposition Déborder l'anthropologie. Ces trois femmes ont porté quelque chose, on le voit de très fort parce que je le disais, écrivaine, journaliste et danseuse, mais anthropologue. Elles ont une formation d'anthropologue. Oui, et ce qui est intéressant, c'est qu'elles ont une formation d'anthropologue et elles décident de se former à l'anthropologie, en fait. Les trois, avant d'utiliser les outils de l'anthropologie, en fait, étaient déjà danseuses ou militantes ou autrices. Et à un moment où il s'agit de réfléchir à ce qu'est la diaspora noire, à une identité noire, elles décident d'utiliser cette pratique pour aller documenter et chercher ce qui lie les traits d'union entre les Noirs du monde entier, de comprendre cette diaspora. Alors voilà, sur les pratiques culturelles communes, que ce soit en Afrique, dans les Caraïbes ou dans le sud des États-Unis. Alors c'est peut-être des pratiques imaginaires, concrètes, mais c'est à ça qu'elles veulent réfléchir. Et c'est ça qui est intéressant, c'est comment elles décident de s'approprier un outil d'une discipline créée par des Blancs, et comment elles vont l'utiliser à leur manière. Mais voilà, comme Senghor, on pourrait reparler de Senghor, dans les années 30, va suivre à l'Institut d'Ethnologie de Paris des cours d'ethnologie, comme pour ces figures-là, vont tenter, à un moment où elles décident de définir leur identité, d'utiliser ces disciplines qui sont naissantes ou anciennes et qui évoluent. On peut rappeler ce qu'est l'anthropologie, hein, c'est l'étude l'anthropologie, c'est en effet l'étude de l'homme en général. La première partie du 19e, c'est une anthropologie évolutionniste, donc avec qui hiérarchise les races, qui estime que la société occidentale est plus évoluée que toutes les autres sociétés, donc évidemment ce qui justifie le racisme, la domination coloniale aussi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où ces femmes décident de s'approprier cette discipline, c'est un moment où évidemment la discipline évolue et où les personnes qui ont fait évoluer cette discipline vont aussi c'est plutôt dans le milieu anglo-saxon, faut le préciser, hein, aux États-Unis ou en Angleterre, avec pour les États-Unis Boas ou Herskovitz, et en Angleterre, Malinowski, qui vont vraiment professionnaliser la discipline et imaginer un monde avec une multiplicité, une notion plurielle des cultures, donc aussi sortir de cette idée de hiérarchie des races. Et c'est surtout inviter leurs étudiants, quels qu'ils soient, et ces trois femmes aussi, à faire de long terrain, à faire de l'anthropologie participante, à être des observatrices participantes. Et c'est ça aussi qui spécifie les méthodes de terrain de ces trois femmes. Oui, des méthodes qu'elles s'approprient. Il faut tout de même préciser le contexte. Sarah Fila Bakabadio, vous êtes maîtresse de conférences en civilisation américaine à l'université de Cergy. Et ici, nous parlons de femmes noires aux États-Unis. Nous sommes au XXe siècle, dans ces années 1920, on va dire, quand elles font leurs études. La ségrégation existe toujours. Faut rappeler le contexte. Hein. C'est pas rien d'être femme, déjà, de vouloir faire des études et d'être femme noire. Tout à fait. Ça n'est pas rien et c'est un challenge puisqu'effectivement, on est dans la période Jim Crow. Pleine période de la ségrégation la plus féroce qui existe, particulièrement dans le sud des États-Unis, d'où elles viennent. Et donc, il n'y a pas d'espace pour ces femmes, parce qu'il n'y a déjà pas d'espace pour les hommes noirs. Et elles vont créer cet espace par elles-mêmes. C'est-à-dire que la spécificité, c'est la volonté de ces femmes de s'emparer de ces outils qui ne sont pas faits pour elles, qui les excluent, qui les invisibilisent, pour justement les retourner et créer un espace de parole pour elles-mêmes en tant que personnes. Et puis, pour les gens qu'elles vont rencontrer, qui sont les gens, par exemple, de Zora Neale Hurston, les gens de sa petite ville d'Eaton, par exemple. Et donc, c'est très paradoxalement par rapport à ce qu'on connaît d'habitude, c'est un engagement qui n'est pas directement politique, c'est-à-dire que ce n'est pas s'engager dans un mouvement, avoir des discours écrits, avoir une parole publique, mais c'est passer par le bas et passer par la documentation sur ces vies, sur ce folklore, comme l'explique Zora Neale Hurston, pour dire ce qui existe et pour dire ce que sont les vies noires. Donc ça, c'est assez particulier et c'est foncièrement courageux parce qu'elles vont s'adresser à des anthropologues qui sont des hommes blancs, qui sont effectivement des gens qui se sont décentrés de leur pratique, de leur discipline, mais elles vont les forcer aussi à évoluer. Et à se questionner sur leurs pratiques et à questionner le champ de l'anthropologie de manière large. Donc c'est une manière très maligne et très avisée en fait de faire évoluer et bouger les lignes du point où elles sont. Et puis j'apprécie beaucoup que vous le souligniez, c'est une démarche scientifique à la base. Elles ont une démarche scientifique, c'est pas une démarche en soi militante. Si on prend le cas de Zora Neale Hurston qui s'en va du côté de la Floride, là d'où elle est originaire, ben là vraiment on a l'anthropologue sur le terrain. Qu'est-ce qui se passe pour elle là-bas? Déjà la particularité, c'est elle va étudier sa propre culture. Et c'est aussi pour ça que, d'ailleurs, Boas, son professeur à l'Université de Columbia, l'envoie. Et elle va étudier sa propre culture et assumer cette culture du sud des États-Unis, assumer ce folklore, les contes, les chansons, les mantries, les manières de vivre, et montrer aussi que c'est un folklore mouvant, qu'on peut pas figer. Et assumer cette culture-là dans un moment où dans les luttes africaines-américaines des années 30, ça peut-être que Sarah pourra en parler mieux que moi aussi, c'était plutôt d'essayer de ressembler un peu aux blancs, d'être dans les villes, notamment c'était les luttes plutôt des hommes africains-américains. Cette volonté d'assumer son identité du Sud, rurale, avec tout ce que ça signifie, était à la fois un geste scientifique, évidemment, parce qu'elle va le restituer dans des publications publications et ensuite dans des publications scientifiques et ensuite dans ses romans. Ça n'a pas toujours été très apprécié par un certain nombre de militants plutôt masculins, il faut le dire. Et ça, c'est aussi pour moi un geste très fort, très politique de la part de Zohra Mirzoyan d'assumer son identité du Sud. Et aussi parce que, en fait, elle renverse une technique qui est une technique de l'anthropologie, qui est l'observation participante. Exactement. Ça veut dire que généralement, le chercheur va entrer dans un milieu qu'il ne connaît pas et essayer de participer aux activités des gens qu'il observe. Et donc, il essaie d'effacer la forme de distance qu'il y a entre lui et les gens qu'il observe. Là, il n'y a pas de distance. C'est pas possible. Là, en fait, elles viennent de ces espaces-là et, en fait, elles utilisent le fait d'être dans cet espace-là, de bien connaître, de connaître les gens pour pouvoir produire des connaissances. Et ça, c'est ce qu'on appelle désormais la perspective située, qui n'est finalement pas récente, puisque ces femmes-là travaillent ça dès les années 20. Et finalement, elles ont des contenus, des connaissances qui sont hors du commun, justement, parce qu'elles ont ce lien particulier. Quand Zohra Neale Hurston repart à Eton, elle parle du dialecte, elle parle de la capacité des Afro-Américains à transformer la langue. Et donc, elle va aussi retranscrire une partie de son travail en retravaillant cette langue. Et c'est aussi pour ça que ça passe pas, parce que c'est pas une langue académique et ça ne rentre pas dans les cases. Illustration. J'ai été préparée, et à 3 heures de l'après-midi, aussi nue qu'à mon premier jour, j'ai été placée, le visage vers le bas, le nombril contre la peau de serpent, et j'ai commencé une quête de 3 jours à la recherche de l'esprit, pour qu'il m'accepte ou me rejette, selon sa volonté. Pendant 3 jours, mon corps devait reposer dans le silence et le jeûne, tandis que mon esprit allait dans ces endroits où les esprits doivent aller pour chercher des réponses qui ne sont jamais données aux hommes en tant qu'hommes. Pendant 69 heures, je restais étendue là. J'eus 5 expériences psychiques et je me réveillais finalement sans aucune sensation de faim, mais avec une sensation d'exaltation. Mule on a mount, call him Jerry, gonna ride him down. Lord, Lord, I'm ride him down. I got a woman, she shaped like jelly all over. I got a woman, she shaped like jelly all over. Ha, her hips so broad. Lord, Lord, her hips so broad. My little woman, she had a baby this morning. My little woman, she had a baby this morning. He had blue eyes. Lord, Lord, he had blue eyes. Anna told her. Venons-nous d'entendre Sarah Fayous-Algas. Alors déjà, il y avait un texte où Zohra Neale Hurston nous explique son expérience. Donc qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a participé à des rites. À des rituels, les rituels Odou de la Nouvelle-Orléans, qui sont l'équivalent du vaudou haïtien dans le sud des États-Unis. En fait, en 27, elle part, c'est une de ses premières, ça fait partie de ses missions en Floride, elle va jusqu'à la Nouvelle-Orléans. Et en effet, elle fait le récit d'une de ses expériences dans Mule and the Moon, qui est un de ses ouvrages considéré comme scientifique, où elle montre très clairement cette observation participante, où elle va pratiquer un certain nombre de cérémonies Odou de la Nouvelle-Orléans. Et après, on l'entend chanter. En fait, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que Zohra Neale Hurston, à cette période, va retranscrire un certain nombre de chants du sud des États-Unis, de travailleurs, et qu'elle va retranscrire à la fois dans cette publication, mais en 39, elle va avoir une sorte de séance d'enregistrement où elle va chanter elle-même ses propres collectes. Et ce qu'on entend là, c'est un chant de travailleurs du sud des États-Unis qu'elle a recueilli dans sa ville, à Eton, et qu'elle chante elle-même. Et c'est voilà aussi une pratique de l'anthropologie tout à fait originale et particulière. Alors, participante, c'était un peu ce qui se faisait à l'époque. Elle le fait aussi à la Nouvelle-Orléans. Enfin, c'est Malinowski, Boas qui incitaient vraiment leurs étudiants à faire ça. Et puis, c'est le fait qu'elle chante comme ça, ce qu'elle collecte, c'est assez formidable parce qu'elle le rechantait aussi dans des spectacles. Elle se mettait en scène aussi avec... avec ces chants recueillis dans le sud des États-Unis. Et cette chanson est diffusée dans l'exposition. Oui, elle est dans l'exposition au musée du Quai Branly à Paris, avec ces noms que nous citons à Franz Boas, Bonislav Malinowski, qui sont des grands noms de l'anthropologie, mais avec ici cette particularité. Sarafila Bakabadio, vous nous l'avez dit, je vais vous reposer la question en sens inverse. Elles ont pu faire ce qu'un anthropologue blanc n'aurait peut-être pas fait, parce que il y avait une forme de méfiance, et là on l'entend, quand Zora Neale Hurston va en Floride, elle connaît, et il y a peut-être une proximité plus forte qui lui permet d'ailleurs de filmer les gens. Oui, elle utilise cette proximité comme un outil de travail. Et effectivement, des anthropologues blancs, hommes ou femmes, n'auraient pas eu cette proximité. Ils n'auraient pas eu ces discussions, en fait, avec les habitants de Eaton et un peu plus loin, parce que les gens n'auraient pas osé penser que c'est la période de la ségrégation. C'est-à-dire que là, une conversation sur les vies noires par un noir vis-à-vis d'un blanc, c'est un espace qui n'existe pas. Donc les gens n'auraient pas osé dire, voilà, on a une difficulté, on travaille dans les champs, on subit le racisme, puisque les gens qui sont en face d'eux, en fait, n'ont pas la même expérience et, dans une certaine mesure, ne pouvaient pas totalement comprendre. Ils pouvaient compatir, mais pas forcément comprendre. Donc, elle utilise, en fait, ses connaissances qu'elle a aussi physiques, c'est-à-dire que elle est descendante d'esclaves, elle a grandi dans un espace pauvre, et donc, elle retravaille ça pour essayer de voir quelles sont les continuités entre les vies noires qu'elle va pouvoir explorer. Donc, c'est ça qui est très, très intéressant, parce que c'est produire des connaissances à partir du corps, à partir de la voix, à partir des gestes, à partir d'une proximité, et développer en fait une anthropologie à partir de tous ces outils-là qui n'existaient pas avant. Et donc ça, c'est possible parce qu'elles sont femmes et noires. Et puis vous venez de dire descendante d'esclaves, Zora Neale Hurston est née en 1891, on est moins de 20 ans après l'abolition de l'esclavage, mais ceux et celles qui ont été esclaves sont toujours là. Hein. Il y en a qui ont connu ça, qui le gardent encore dans la mémoire et la marque sur le corps. Avec ici, et c'est vrai que c'est très émouvant et on le croise dans l'exposition, Sarah Frius Algas, ces témoignages d'esclaves, de ceux qui ont été esclaves, dont un très particulier. Exactement, Kosola, en fait, qu'on appelle aussi Kujo, qu'elle était allée interviewer en 27, dans le cadre de ses premiers terrains. Elle a été envoyée par une revue créée peu de temps avant par un historien africain-américain qui l'envoie interviewer ce qu'on appelle le dernier esclave, qui était parti du Dahomey et qui, pendant la traite négrière, avait fait la traversée du milieu, et qu'elle va voir régulièrement. Les entretiens sont publiés dans cette revue et ensuite disparaissent un petit peu des radars. En fait, elle écrit un texte là-dessus qui est à la fois un mélange de ses entretiens et aussi de textes d'autres personnes, qui sera jamais publié et édité en 2018 aux États-Unis, traduit en France là récemment en 2019, s'appelle Barakon. Et c'est vrai qu'il y a ces images de Kujo dans l'exposition, et c'est très très émouvant de le voir devant sa petite maison en Alabama avec c'est tout à fait rare et assez exceptionnel de voir ces images de ce dernier, ça fait un peu comme ça excessif, le dernier esclave, mais c'est aussi une réalité. Il lui raconte comment il a été, on est allé le chercher chez lui, et comment il a fait la traversée, quoi, dans les cales. Oui, parce que voilà, on a ces images-là, elles filment. Moi, je trouve ça fascinant. Faut rappeler qu'on est à la fin des années 1920. Une caméra, c'est pas comme aujourd'hui, quelque chose qui se transporte parfois même dans la poche. C'est lourd, ça demande de la technique. Ouais. Elle part avec une caméra en 27, 16 mm, et elle part filmer. Et après, elle n'a pas beaucoup commenté la manière dont elle a filmé, mais clairement, elle réfléchit à ses plans. Et c'est une des pionnières de l'anthropologie visuelle, très, très, très... Très clairement, je crois, la manière dont elle rentre et aussi dont elle peut rentrer dans l'intimité des gens, pour revenir sur Sarah, parce que elle est elle-même de cette région, parce que les gens vont la laisser rentrer dans leur intimité. Elle filme un baptême, je suis pas sûre qu'un anthropologue blanc ait pu filmer un baptême comme elle le filme. Je suis pas sûre qu'une jeune femme ait pu accepter qu'on la filme dans son intérieur, devant sa maison. Et tout ça crée vraiment, sont des images très émouvantes. Enfin, à mes yeux, j'ai pas beaucoup de recul. Non, mais si c'est émouvant. Enfin, moi, j'ai été ému. Vous parlez de ce baptême. Ce n'est pas un baptême dans une église comme on pourrait l'imaginer avec notre regard à nous d'occidentaux. Ça se passe sans doute dans le Mississippi, et c'est le baptême avec l'immersion totale d'une jeune fille. Et puis aussi parce que on sent que les images sont intégrées à une conversation. C'est-à-dire qu'en fait, elle doit être en train de parler aux gens, elle prend différents supports, elle va prendre des notes, puis tout d'un coup, elle va introduire la photo. Et finalement, ça va couler de manière assez facile parce que du coup, on voit sur les images que les gens, non seulement ne sont pas pris au dépourvu, ne posent pas, mais en fait, on la regarde, en fait. Et la conversation se continue par les regards qu'elle introduit par ces images-là. Et ça, c'est aussi intéressant parce que c'est une anthropologie du réel. Ça, c'est ce que l'une de mes prof disait à New York, Leif Mullings, c'est les femmes du réel et la vie réelle. Et donc, c'est ce qu'elle arrive déjà à produire à cette époque-là. Oui, parce que c'est ça, hein, ce réel-là. Alors, vous avez utilisé le mot de parole. Mais c'est vrai, notez, la parole, c'est pas rien, parce qu'il y a cette parole très forte que l'on retrouve là-bas, bien sûr, en Floride, du côté des Bayous, très bien, mais que l'on retrouve aussi à Harlem. Attends que j'allume mon pot à charbon. Et je vais te raconter l'histoire d'un zigabou qu'on appelait Gelé. Bon, alors, il était brun comme un phoque et haut comme un bon dieu d'arbre à papa. Maigre des hanches, mais bâti solide pour la vitesse. Né avec des cheveux secs et drus, mais quand il les enduisait de graisse et les compressait toute une nuit avec son casque bas nylon, il formait une mousse correcte, avec tellement de vagues qu'on en attrapait le mal de mer. Solide, vieux, solide. Sa maman l'avait baptisé Merveille. Mais au bout d'un mois sur Lenox Avenue, il avait changé tout ça pour Gelé. Pourquoi ? Ben, il avait fait savoir dans la rue que lorsqu'il s'agissait de satisfaire un besoin longuement ressenti, de sucrer rambiner les états d'âme de ces dames, il n'y en avait pas deux comme lui. Et comme personne connaissait son nom, l'avait fallu leur dire « Ça doit être Gelé, vu que la confiture, ça branle pas. » D'où son surnom, Gelé. C'était sa marque, le truc qui était mûr. À point. Chaque fois qu'une tête dure ou une frêle anguille lui disputait son titre, il biglait le briseur d'idoles avec une tranche de glace. Il revêtait son vilain rire, fait de mépris et de pitié, et il disait « T'es couillon quant au fait, baby. Si tu sais pas de quoi tu parles, va demander à Mère Grand-Grogne. Je vais pas te fourvoyer, baby. Pas besoin. J'ai tout ce qu'il faut. » Puis il faisait le geste du Mac et percolait jusqu'au bas de l'avenue. Un fait pareil. Pas moyen de le contourner. Gelé enfila donc son costume zazou avec des plis comme il faut et il sortit se balader et se faire un peu de bien. À la 132e rue, il repéra un de ses collègues sur le trottoir d'en face, devant un café. Gelé se dit que s'il patinait à point dans la merde, il arriverait à taper dodou d'un millier sur un plateau. Peut-être même d'un coup de gras de fer ou d'un riffeur. Lecture d'un extrait de l'histoire en argot de Harlem. Là, c'est l'histoire de la gelée, lue par Sarah Darmaillan. Ce texte a été traduit par Françoise Brodsky et on peut le retrouver publié aux éditions de l'Aube avec ici... l'argot d'Harlem. Alors c'est très beau tout ce que l'on voit là, parce qu'on a cette démarche d'anthropologue qui nous conduit alors loin là-bas, en Floride, vers quelque chose de premier, mais l'intérêt porté par Zora Neale Hurston, c'est aussi sur ce qui est en train de se créer, cette langue de Harlem. C'est ça aussi, c'est peut-être ce côté un peu universel. Il n'y a pas, et j'utilise le mot de manière provocante, il n'y a pas une recherche de folklore ici. C'est pas du tout ça, sa démarche. Non, mais même quand elle va dans le sud, d'ailleurs, on l'appelle folkloriste, mais comme on appelait des folkloristes en Europe, hein, c'est là ce qui est intéressant quand on évoque cette culture harlémite, c'est de montrer que Zora Neale Hurston s'intéresse pas en effet uniquement aux cultures rurales, disons, et mais aussi culture urbaine, à ce qui est en train de se produire, de se créer dans les années 20-30 aux États-Unis, au moment où tous les migrants ou les Africains-Américains qui arrivent dans la ville, voilà, c'est toute un peu la misère de Harlem, tous les bas-fonds de Harlem qu'elle assume aussi dans ses nouvelles et qui crée aussi une nouvelle langue. Voilà, une langue en argot, là, une langue très propre, qui est un peu comme celle du sud des États-Unis, très imagée, et c'est ce monde-là qu'elle décrit, et c'est intéressant, là, pour peut-être en rediscuter avec Sarah, et ce monde-là, c'est pas du tout un monde que les représentants de la Harlem Renaissance, du New Negro, veulent assumer, parce que c'est trop vulgaire, c'est trop... voilà, un peu, voilà, c'est pas assez propre, quoi, pour s'intégrer à la société africaine-américaine. Et c'est ça qu'on va lui reprocher aussi, de revendiquer cette culture à la fois du sud des États-Unis rural avec toutes, voilà, ses mentries, ses expressions, ses personnages et aussi ce langage-là. Et en même temps, elle est aussi partie prenante de ce mouvement-là, plus lisse, qui donc la Renaissance de Harlem, avec tous ces penseurs, ces artistes, ces plasticiens, ces musiciens, qui se réunissent dans ce lieu particulier qui va devenir le cœur de la culture afro-américaine, à cause de ces grandes migrations des gens du Sud qui vont vers le Nord en espérant avoir une meilleure vie. Et du coup, elle va rencontrer Langston Hughes, County Cullen, donc tous ces grands penseurs et ces grands artistes en fait qui font la culture africaine-américaine, qui parlent de ce nouveau noir que Alan Locke décrit dans son anthologie, forme de modernité noire qui se développerait à partir de Harlem. Donc elle est quand même avec eux, c'est-à-dire qu'elle est là pour créer des journaux avec eux, pour coécrire des choses. Et en même temps, dans le même quartier, elle va quitter les très grosses maisons qu'on voit dans l'ouest de Harlem, qui existent toujours, et pour aller dans l'est de Harlem où il y a des gens beaucoup plus pauvres et donc c'est noirs des classes sociales basses que les noirs des élites ne voient pas. Donc du coup elle va aussi les confronter en fait à leurs propres contradictions sociales et dire effectivement nous sommes tous noirs mais regardons-nous les uns et les autres et je vous oblige à ça. Oui, parce que Sarah Phila Bacabadio, parler des Noirs aux États-Unis, c'est parler de diversité aussi entre le Sud, le Nord, les riches, les pauvres, les ruraux, les urbains. C'est pas les Noirs, c'est tellement de diversité. Tout à fait, c'est une grande diversité. Et effectivement, de l'extérieur, on a tendance à les classer comme un paquet. Mais il y a de vraies différences régionales, il y a de vraies différences de classe sociale, de vraies différences aussi entre ceux, par exemple, qui sont descendants d'esclaves et ceux qui ne l'ont jamais été. Et donc, ces différences existent toujours. Et il y a des moments où ils sont obligés de s'unir parce qu'il y a une discrimination raciale et donc il y a une unité des luttes. Mais après, les choses sont plus composites. Et ce sont des choses aussi qu'elles vont, toutes les trois, retravailler à travers leur circulation dans la diaspora. C'est-à-dire qu'elles vont aller apprendre en Haïti, en Martinique, en Afrique de l'Ouest, ces différences entre afro-descendants et africains. Et comprendre qu'en fait, il y a un écart, que la traite transatlantique a créé cet écart, mais qu'elles doivent aussi voir quels sont le commun et les différences entre eux. Oui, relier tout cela. On parlait de l'argot d'Harlem, hein, on est à New York, et puis vous évoquiez à l'instant les mentries, parce que ça, les mentries, c'est rural et c'est en Floride. C'est quoi les mentries ? Les mentries, c'est des histoires qu'on invente pour se valoriser, pour discuter. On s'invente des... Ça existe toujours. Ça existe toujours, voilà. C'est de dire qu'on s'est battu contre un crocodile et qu'on a gagné. Enfin voilà, j'en sais rien. C'est des histoires assez improbables qu'on raconte. Pour voilà entre soi. Ça fait aussi partie des langages et des formes d'expression afro. D'accord. C'est-à-dire que c'est aussi un commun. Il y a des manières de dire, des manières de se présenter aux uns et aux autres qui sont transnationales et qui, là, pour le coup, ont perduré par-delà l'esclavage. Ça s'explique comment ? C'est cette volonté de renforcer une identité, une reconnaissance ? Il y a une part de reconnaissance et puis il y a juste de la blague. Ouais, tout simplement. C'est-à-dire d'être capable de ne pas se prendre au sérieux, de se décaler. Et puis l'autre va aussi apprendre à réagir de manière impromptue. C'est juste de la blague, de la manière sympathique, aimable et détendue de se parler. Tout simplement. Mmh. Avec ici trois personnages que nous évoquons depuis le début. Nous sommes arrêtés longtemps sur Zora Neale Hurston, écrivaine. Anthropologue, parce que formation d'anthropologue, mais de la même génération, hein, parce que elle est née en 1895 et Hurston est née en 1891. Et il y a Eslanda Good Robson. Qui est-elle ? Donc, Eslanda est anthropologue, journaliste, militante. Elle est aussi la femme de Paul Robson, une célébrité très très important des années 30 aux années 60, qui était un grand acteur, un grand chanteur et aussi un grand militant. Et ils vont former un peu un couple à la Sartre-Beauvoir, disons, tous les deux, un couple de militants, très clairement. Mais c'est vrai que Paul Robeson, qui était une célébrité, voilà, aussi voilà, très populaire, a un peu effacé... Enfin, non, il n'a pas voulu l'effacer, mais ce Eslanda a été effacé de fait par la... personnalité de son mari, mais finalement, elle est pas si effacée que ça parce qu'elle publie beaucoup. Elle est très présente dans de nombreux rassemblements politiques, féministes, communistes ou autres. On a le sentiment qu'elle est effacée, mais en fait, elle l'est pas tant que ça. Elle l'est un petit peu parce que au moment de préparer cette émission, Thomas Beau, qui réalise le cours de l'histoire aujourd'hui à la technique Guillaume Ficheux, en cherchant avec ce nom de Robeson, à Paul Robeson, on a de l'archive énormément. On a beaucoup. C'est vrai que Eslanda, il y en a moins. Alors, vous l'avez dit, bien sûr, lui, il est chanteur, c'est tellement admirable, il est acteur, il est militant, faut pas l'oublier. Et puis parfois, ah oui, ça c'est dans un film de 1937, il est de passage à Marseille. Écoutez l'accent. We want you, Joe. What do you want me for? We have orders to take you to the prefecture. Say, what is this? Isn't a fellow allowed to sing? Monsieur le commissaire wants to see you. Me? Whatever he wants to see me about is not me. Come along now. It is important. All right. I'll come. Entrez. Is this the man? Monsieur. Now, my friend, there is a matter of a missing child. The little boy of monsieur and madame. Oh, yes. The inspector here has advised me to send for you. Why me? I don't know anything about it. No, but we fear this boy has been kidnapped. It is probably one of the gangs down in the Joliet. Listen to me. You know how difficult it is for the police to get information in these places. Well, it has been suggested that you can help us. What, me? Help the police? En 1937, ce film Big Fella de G. Elder Wills. Alors, c'est drôle, hein. En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est l'adaptation d'un auteur de la Harlem Renaissance, qui est Claude McKay. C'est l'adaptation de Banjo. Et donc, on retourne toujours à ce, on repasse par Harlem, en fait. Et d'ailleurs, Eslanda joue dans le film, joue la tenancière d'un café. Ils sont tous les deux acteurs. Et ils vont jouer dans des films un peu populaires comme ça, mais aussi dans des films d'avant-garde tout à fait intéressants. Ouais, c'est une vraie communauté à Harlem à ce moment-là. Oui, c'est ça, échange d'idées, mais ce sont des relations humaines. Et c'est une communauté qui voyage. C'est-à-dire que là, c'est Marseille, il y a aussi Paris. Et donc, en fait, tous ces gens vont se déplacer au fil de leurs rencontres et puis créer des choses à différents endroits, soit avec les Africains et Afro-descendants qui sont souvent décolonisés, qui arrivent au même endroit, ou alors voilà, retravailler leurs perspectives sur les États-Unis depuis l'extérieur. Et effectivement... C'est du lien, mais c'est du lien comme maintenant, c'est-à-dire que les choses se créent aussi parce qu'il y a des amitiés, parfois il y a des ruptures, parfois il y a des projets en commun qui s'arrêtent, des journaux, voilà. C'est, ce bouillonnement-là, en fait, c'est la Renaissance de Harlem le démarre, et puis en fait, c'est une sorte de généalogie qu'on a depuis toujours, en fait, et depuis lors. Ouais, le bouillonnement, c'est vraiment ce mot-là, avec le voyage, et dans le cas d'Eslanda Robeson, il y a alors là le grand voyage. Exactement, mais un voyage, elle part des États-Unis, elle passe à Londres et ensuite elle part en 36 en fait réaliser son terrain d'anthropologie. En fait, elle est formée quand elle arrive à Londres, elle va étudier l'anthropologie avec Malinowski, donc dans lequel elle rencontre un certain nombre d'autres étudiants africains issus de l'Empire anglais, qui eux aussi étudient l'anthropologie, et l'un d'entre eux l'invite à venir en Ouganda étudier la culture du bétail dans sa région, et elle part avec son fils de 9 ans, Polly, enfin qui s'appelait Paul, qu'on surnommait Polly, donc elle avait, elle passe par l'Afrique du Sud, par la Europe, elle remonte jusqu'en Ouganda, et en fait elle publie ce journal en 45, donc quelques années après son séjour. Et là, ce qui est tout à fait extraordinaire dans ce texte, c'est qu'elle regarde l'Afrique complètement autrement, mais aussi parce que c'est une femme noire qui voyage avec son fils et qui est déjà militante. Et ça, c'est pas rien. En fait, elle va regarder l'Afrique complètement différemment. Elle va rencontrer des militants de l'ANC. Elle va s'intéresser aux femmes. Elle va s'intéresser aux mineurs de Johannesburg. Donc, c'est ça qu'elle va voir et c'est ça qu'elle va raconter. Ce journal va être illustré par des photographies qu'elle prend. Elle part avec un appareil photo que Paul Robeson lui avait offert d'ailleurs. Et les photos qu'on montre dans l'exposition révèle cette, un peu ce que disait Sarah, cette possibilité de se regarder et de se montrer différemment, parce qu'on est, on n'a pas affaire à un anthropologue blanc qui vient. Et c'est aussi la manière dont les gens acceptent de se... Ils sont pas pris, on les fait pas poser, ils sont pas pris dépourvus, on les et ça se ressent beaucoup dans ces photographies et aussi dans le texte. Et ce qui est, il y a un passage très très amusant aussi, c'est à un moment, bah, quand elle étudie un petit peu justement les cultures des vaches dans le Toro, qui est la région où elle est, avant elle a une discussion avec les femmes qui lui transmettent un peu cette pratique la manière dont on traite les vaches, et elles lui disent mais comment ça, pourquoi tu t'intéresse en fait, est-ce que quand tu reviendras à Londres ou à New York, tu vas traire des vaches, tu vas pas t'acheter des vaches, et je pense que si elles peuvent lui dire ça, si elles peuvent se permettre de lui dire ça, c'est parce que c'est une femme noire et qu'elles peuvent avoir cette proximité et elles sont pas gênées de lui dire c'est un peu absurde, voilà. Et tout ce récit est très émouvant, très fort. Et en fait, et c'est une publication qui est longtemps restée de côté. Alors après, Eslanda commence à être une figure importante aux États-Unis, petit à petit. Mais c'est voilà, enfin, et c'est ce qu'on essaie de montrer dans l'expo aussi. Là. Militante, évidente. Très militante. On disait, hein, on peut pas dire les Noirs aux États-Unis sans prendre en compte toute la diversité de situations. Sarah Phila Bacabadio, on peut le dire aussi pour les luttes. Il y a pas une lutte pour les droits, et puis une lutte sociale, et puis le féminisme. En fait, tout ça se croise, se tresse. Tout ça se croise, et tout ça suppose des discussions parfois un peu tendues. C'est-à-dire que les militants hommes afro-américains n'ont pas vraiment envie de laisser de la place aux femmes. Et c'est une discussion qui continue dans un moment que je connais mieux, qui sont les années 60-70, en fait, avec les nationalismes et le mouvement pour les droits civiques, en fait, où même le mouvement de Martin Luther King dit, mesdames, vous allez rester en arrière-plan, vous allez vous occuper de la logistique. Tout ce qui est décisions sur les stratégies, sur comment faire, sur à qui s'adresser, vous ne serez pas au premier plan. Et donc, elles savent aussi que ça n'est pas possible de se confronter très pratiquement aux hommes afro-américains dans ce moment-là, parce qu'en fait, il y a une gradation entre la première lutte, c'est la lutte contre la discrimination raciale, et puis après, on verra peut-être. Bon. Elle décide en fait de construire un corpus, et au fil des générations, ce corpus se développe avec ensuite Angela Davis, Audre Lorde, parmi d'autres autrices. Et ces femmes-là commencent en fait à avoir ces conversations-là entre femmes. Qu'est-ce que veut dire être femme noire aux États-Unis ? Qu'est-ce que veut dire être femme noire en Afrique, en Europe ? Et comment on crée des passerelles ? Et donc les conversations que Eslanda Robinson a avec des femmes en Ouganda ou ailleurs, et penser que c'est difficile d'atteindre ces endroits-là. C'est-à-dire que ce sont des colonies, mais une femme seule, noire, traversant tous ces pays-là avec un enfant, c'est quand même un sacré périple. Autant en Afrique de l'Ouest, c'est plus facile parce qu'il y a déjà des relations très étroites entre les Afro-Américains et puis ces pays-là, et ces futurs pays-là indépendants, autant l'Ouganda, l'Afrique australe, c'est quelque chose d'assez inconnu. Donc c'est déjà une difficulté à laquelle elle se confronte qui n'est pas celle que les hommes noirs ont à ce moment-là. Mais elle crée un espace par les écrits, par les terrains, par les conversations, et initie une historicité, une généalogie qui va être poursuivie ensuite. Sarah Phila Bacabadio, vous êtes l'autrice d'Africa on My Mind, histoire sociale de l'afrocentrisme aux États-Unis, parce que si histoire mondiale, hein, bien sûr, on le voit avec ce voyage. Ah, le voyage, on l'a promis, bah, il est là. Alors cette fois-ci, c'est Paul Robeson, il est à Paris, mais il parle d'Espagne. Paul Robeson, le célèbre acteur noir, le créateur de Showboat et l'interprète de tant de grands films qui restent dans notre souvenir, est à Paris, venant d'Espagne. Et plutôt que de vous dire nous-mêmes pourquoi il est allé en Espagne, nous allons lui poser la question. Voulez-vous nous dire, Monsieur Robeson, pourquoi vous êtes allé en Espagne ? La lutte de l'Espagne républicaine pour la démocratie, la liberté et la dignité humaine est la lutte de quiconque est contre la réaction et le fascisme. L'artiste ne saurait demeurer en dehors ou au-dessus de cette lutte. Il doit y prendre part. Depuis quelque temps, j'ai pris part à des meetings nombreux et donner des récitals pour venir en aide à l'Espagne. J'ai voulu voir et voir se battre ce peuple héroïque. J'ai voulu assister de près à la lutte pour me sentir plus près de ce peuple, pour le mieux comprendre. Hollister. Quant à nous qui sommes en dehors de la lutte, nous n'avons pas le droit de laisser les Espagnols porter tout le fardeau de cette lutte qui est aussi notre lutte. Paul Robeson, au moment de la guerre civile en Espagne, Eslanda va également en Espagne, hein, faut le rappeler, parce qu'il y a vraiment une action militante ici. Oui, tout à fait. Ils partent tous les deux. Et il faut savoir que dans les années 30, en fait, beaucoup d'Africains-Américains vont se mobiliser aussi pour la cause espagnole, hein, depuis les États-Unis. Parce que juste avant, il y avait l'invasion de l'Éthiopie. En fait, la question de l'antifascisme, oui, oui. Exactement, et a été très importante dans le monde africain-américain. Et donc, eux, ils sont antifascistes depuis Londres, mais c'est vraiment, ils participent à cet engagement intellectuel mondial. Il y avait les Africains-Américains, mais évidemment pas que. Et ce qui est intéressant, pour revenir à la troisième figure qu'on n'a pas encore abordée, c'est que Catherine Denham aussi va monter un spectacle en 37 en soutien aux républicains espagnols. Donc c'est vraiment voilà, le grand moment antifasciste des années 30 qui va fédérer en fait tous les intellectuels et militants, qu'ils soient noirs ou blancs en fait. Et ces grandes figures d'Eslanda et de Paul, de Catherine Denham, de Langston Hughes, des Cubains vont aussi aller en Espagne. Voilà, et ça c'est important de montrer cet internationalisme intellectuel qui ne vient pas que du monde blanc en fait. Et voilà, et qu'il y a, quand il s'agit d'antifascistes. Ah bah l'antifascisme, bah oui. Non mais le côté international et les échanges d'idées, on voit, hein, ça fourmille de partout. Exactement. On est dans un monde qui est en chaos. Alors, les mouvements déjà indépendantistes sont présents avant la Seconde Guerre mondiale, hein, faut le rappeler, on associe souvent ça à l'après-Seconde Guerre mondiale, mais c'est déjà là. Donc toute la pensée est là et ces trois femmes participent de cette pensée. Et ces trois femmes participent de cette pensée et font des liens avec... Alors là, en discutant, en fait, je pense au livre d'Annette Joseph-Gabriel, puisque Imaginez la libération, où elle fait des portraits de ces femmes engagées qui sont françaises, Paulette Nardal, Suzanne Césaire, qui sont africaines, Hawa Keïta, et qui vont, elles aussi, s'engager dans cette lutte anticoloniale et antifasciste, et donc vont avoir des conversations aussi avec ces femmes afro-américaines. Et ce qui est intéressant, c'est que ça oblige aussi ces femmes à se décentrer un peu elles aussi, à se dire qu'effectivement elles sont américaines, elles arrivent avec un certain héritage, à une certaine manière de penser la race, et de se confronter à d'autres discussions sur la race. Qu'est-ce que veut dire être femme noire en France, depuis la Martinique, depuis la Réunion, et donc elles vont aussi engager ces conversations-là. Ouais, c'est très riche d'ailleurs ces conversations. Hein. Tout à fait. Et du coup, le livre d'Annette Joseph, pour revenir à ça, nous montre en fait aussi ces échanges et ces rebonds en fait de questionnement, d'idées. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on fait? Quels sont les enjeux dans les différents endroits? Sont-ils les mêmes? Ouais, le contexte à mettre en place et ce côté, j'ose dire, universel, voire international. Mais en tout cas, même si les contextes sont différents, il y a des luttes qui peuvent converger. Avec cette figure, on vient de l'évoquer, de Catherine Duhan. Alors là, nous sommes sur quelqu'un qui a une carrière, une danseuse, qui est une célébrité, mais qui a aussi une formation d'anthropologue. Faut rappeler, les trois femmes que l'on évoque, ce sont des femmes qui ont fait des études, qui vont jusqu'au doctorat d'anthropologie. Oui, et Catherine Denham, peut-être que Sarah, qui a été danseuse aussi, pour en parler mieux que moi. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, elle part donc dans les Caraïbes en 36, elle a une bourse. Mais avant de devenir anthropologue, elle était déjà danseuse et c'est quelque chose qui va la questionner. Elle va monter une troupe de danseurs noirs et elle va s'interroger sur sa pratique de danseuse et sur la question aussi de la diaspora, de qu'est-ce qu'elle peut aller chercher ailleurs. Et c'est en 36, elle part avec une caméra aussi et on montre les images qu'elle filme en Martinique, en Haïti, en Jamaïque, à Trinidad. Et c'est assez extraordinaire parce que ce qu'elle voit, c'est aussi parce qu'elle est danseuse, parce que c'est une femme noire, et la manière dont elle filme les danses dans les années 30, dans la Caraïbe, sont tout à fait extraordinaires et très très touchantes. Et peut-être que tu peux rebondir, Sarah. Oui, parce que Catherine Denham, c'est vraiment une référence, la référence en danse noire aux États-Unis, c'est-à-dire qu'elle a une très longue carrière, parce qu'elle est décédée en 2006. presque centenaire, oui, tout à fait. Et elle décide, en fait, de déconstruire la danse moderne telle qu'elle a appris pour produire sa propre rhétorique chorégraphique. Et ce qui est intéressant, c'est que pour le faire, en fait, elle va aller s'inspirer des danses populaires qu'elle va apprendre en Martinique, en Haïti, et voir comment elle peut construire une sorte de corpus. Et la base qu'elle a, en fait, et qu'elle reconnaît, et que moi je reconnais parce que je l'ai aussi apprise après coup, c'est les isolations. C'est-à-dire qu'en fait, on isole des parties du corps qui vont bouger toutes seules. Typiquement le bassin. Et donc, elle va travailler ça comme base de sa chorégraphie. Et à partir de ça, elle construit d'autres mouvements. Et donc, du coup, elle arrive à retravailler sa chorégraphie, créer des mouvements originaux, tout en faisant des références à des danses populaires, notamment la guilla qui se pratique aussi en Martinique. Et donc ça, c'est très intéressant parce que c'est une sorte de créolisation, pour faire un lien avec Glissant, mais gestuelle. Et tout en ayant, par-dessus ça, une réflexion anthropologique sur qu'est-ce que ça veut dire, d'où ça vient, quelles sont les passerelles entre moi et ces gens, et qu'est-ce qu'on en fait. Et c'est ça, qu'est-ce qu'on en fait. Édouard Glissant, la pensée de tout ce que nous évoquons, mais il y a d'autres démarches. Et c'est pour ça que mettre en avant le travail de Catherine Delame, c'est formidable de voir comment elle va filmer les pas de danse, comment elle fait une démarche d'anthropologue qui contribue à l'ensemble de cette pensée. Vous l'avez évoqué à Sarah Friou-Salgas, il y a cette volonté de filmer, elle filme bien, c'est esthétique, mais elle filme les pieds, on pourrait dire, mais... on voit l'intérêt, on pourrait dire, c'est mal cadré. Mais pas du tout. Au contraire, c'est sublime à voir comment... ça permet de décomposer le pas. Il y a vraiment quelque chose de brut dans sa démarche qu'elle utilise et qu'elle enseigne. Oui, et aussi, il faut penser que dans le même temps, elle a une carrière de danseuse aux États-Unis jusqu'à Hollywood, où elle arrive à insérer des segments de danse dans des films grand public. Et il faut penser qu'on est dans les années 40, les représentations de la femme noire et de surcroît la femme noire de teint clair qui est associée à un cliché qui s'appelle Jezebel, la femme noire tentatrice, c'est pas évident, c'est-à-dire que ça peut vite tomber dans l'exotisme. Et donc elle arrive en fait à créer des moments où les gens vont découvrir ce que sont ces danses caribéennes. Et donc là, elle travaille aussi l'image, c'est-à-dire qu'elle essaie d'influencer la manière dont elle va être représentée, dont ces danseurs vont être représentés dans ces films-là, à travers son œil. Et elle y arrive petit à petit. Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est-à-dire qu'elle travaille le mouvement, l'image, et puis un peu la musique. Donc il n'y a pas que les pieds. Les pieds, c'est du bas vers le haut. C'est-à-dire que c'est vous obliger à regarder réellement. Oui, et puis à revoir ces films, c'est vrai que c'est magnifique parce qu'il y a ce côté document historique. Catherine Duham nous parle de sa conception de l'art. Ma conception de l'art, comme vous le savez, est basée sur le folklore. Mais l'art, pour moi, est avant tout une réponse à une impulsion intérieure. Je crois aussi que l'art peut jouer un grand rôle humanitaire et social, mais à mon avis, il ne serait pas bon qu'on lui imprime une certaine direction, une ligne tracée d'avance. Vous suivrez ce que je veux dire? Parfaitement. Il y perdrait son caractère essentiel, il lui manquerait la spontanéité qui lui est nécessaire. Je crains qu'à laisser l'art subir à une influence trop directe du monde actuel, il ne devienne que le fait divers. Je veux dire par là que l'artiste peut s'inspirer de la réalité. Il lui faut, mais en essayant de son meilleur de l'embellir pour la joie des hommes. S'inspirer de la réalité, mais pour l'embellir, c'est Catherine Duham qui s'exprimait dans l'émission Plein Feu sur les spectacles du monde. Nous sommes à la toute fin des années 1940, au début des années 1950, parce que elle a une vraie carrière internationale. On l'entend, hein, il y a Hollywood, mais il n'y a pas que ça. C'est une vraie figure. Ce qui est très fort, c'est d'avoir voulu porter cette démarche d'anthropologue, parce que... elle est anthropologue, mais aussi parce que elle alimente la pratique. Et on voit bien, c'est ça qui permet de dire que on a ici une avancée dans la manière dont l'ensemble de l'humanité peut accepter des cultures longtemps considérées en marge. Est-ce que c'est ça aussi? Parce que je dis pas légitimer, hein, c'est pas ça, mais simplement faire connaître. Alors, je dirais documenter. C'est-à-dire que la question est moins d'une acceptation par des sociétés où les gens sont en minorité et mis en marge. Parce que pour elle, la question, c'est pas ça, en fait. Et c'est aussi une question que Alan Locke, de la Harlem Renaissance, posait et avait en débat avec Du Bois. C'est à quoi sert l'art? Et donc, si on discute de l'art uniquement comme quelque chose de fonctionnel en lutte contre ou en réponse à une oppression, du coup l'artiste est emprisonné. Et donc elles ne font pas ça, c'est-à-dire qu'elles vont étayer les connaissances sur ces mondes, après à chacun d'aller aussi s'intéresser plus avant. Mais elles ne voulaient pas être emprisonnées par une lutte politique qui serait déjà cadrée par une réponse à un dominant qui est toujours le même. C'est-à-dire que si vous vous placez en tant que réponse, vous n'êtes pas aux commandes. Elles voulaient être aux commandes. Oui, voilà. Puis c'est vrai que ces dominations sont multiples. En plus, on l'a dit, hein, femmes oui. et noires. C'est ce qu'on appelle désormais l'intersectionnalité de genre, de classe sociale et de race. En fait, le fait de comprendre que ces trois dynamiques sont indissociables et qu'elles ont un impact sur leur vie, qu'au lieu de choisir l'une ou l'autre, il faut les saisir tout ensemble. Et puis la volonté aussi de transmettre, parce que lors d'un spectacle de Catherine Duham, si vous prenez le programme, vous l'ouvrez, vous lisez, vous apprenez des choses. Les deux rites représentés ici englobent le passage chez un individu d'un moment caractéristique de sa vie à un autre. Ces rites ne sont pas relatifs à une société particulière et ne représentent pas non plus à la lettre un cérémonial réel. Ils ont été créés dans une tentative de restituer le fondement émotionnel de toute communauté primitive et de rendre sensible tant l'intense et courageuse expérience personnelle qui est sous-jacente à toute mutation importante de l'individu que la réaction correspondante de la communauté durant cette période. Rituel de la puberté masculine. Cérémonial d'initiation par lequel un garçon passe de la puberté à l'âge viril. La première partie concerne l'initiation du garçon. Il voit s'ouvrir devant lui son avenir de guerrier. Dans la seconde partie, les hommes portant le masque des sociétés secrètes de la communauté, conduits par le guerrier apparu dans la vision du garçon, viennent le prendre pour le mener à la cérémonie d'initiation. Il est saisi d'impatience et de crainte. Rituel de la fécondité. La cérémonie représentée ici a lieu à l'occasion d'un accouplement. Oriane Delacroix qui s'est rendue pour nous le 19 octobre 1949 au Théâtre de Paris pour lire le programme de ce spectacle de Catherine Deham, hein, et ses danseurs avec en réalité ce programme à l'exposition de Quai Branly Jacques Chirac. Ici, il y a la volonté dans le programme de la part de Catherine Deham de rappeler de quoi il s'agit. C'est-à-dire que l'anthropologue ici se mêle à l'artiste et c'est ça qui est magique, hein, c'est que il y a l'esthétique et l'on apprend des choses. Oui, c'était un peu sa démarche permanente de montrer que ce qu'elle chorégraphie, ce qu'elle décide de transmettre est issu d'une réflexion d'artiste, mais aussi d'anthropologue. Et elle va vraiment avoir tout le temps cette réputation d'anthropologue danseuse, d'anthropologue chorégraphe. Et si elle l'a, c'est parce qu'elle passe son temps à l'expliquer aussi quand elle est interviewée, dans ses programmes. Et voilà, et je pense que c'est intéressant de voir la manière dont le grand public, dont les journalistes vont voir la démarche de cette grande chorégraphe mondialement connue, qu'ici on connaît peu en France, mais pourtant qui a été vraiment une star mondiale, qui est une référence tout à fait majeure pour les danseurs, parce que Sarah en parlait tout à l'heure, elle a créé une technique de danse très très importante et elle a créé des écoles aussi tout à fait importantes. Pardon, le ballet créole. Voilà, le ballet créole. Enfin voilà, elle a tout un Et je suis très heureuse de pouvoir aussi montrer dans cette exposition cette figure. Voilà, on connaît ici Joséphine Baker, mais on connaît pas bien Catherine Deneuve. Et pour moi, c'était important de montrer ces trois femmes aussi ensemble parce qu'elles ont une démarche commune à une même époque. Elles vont faire des choses différentes. Elles vont devenir voilà des grandes journalistes, danseuses, autrices. Et voilà. Et c'est. Mais les montrer ensemble parce que on ne les voit jamais ensemble. Voilà, mais les montrer ensemble parce qu'il y a le fil conducteur, c'est l'anthropologie, parce qu'on est dans un musée d'histoire de l'anthropologie et aussi plutôt des cultures matérielles puisque c'est des objets qu'on présente. Mais voilà, de réfléchir à cette discipline, de réfléchir à comment à un moment donné, bah, les dominés ont pris en charge cette discipline, se la sont appropriées et en plus des femmes noires. Et l'idée, c'est de montrer que parce qu'elles étaient femmes, parce qu'elles étaient noires, elles vont créer des archives de terrain très différentes que celles d'archives de terrain classiques de l'époque et qu'elles vont en faire des choses très très différentes l'une et l'autre. Avec des documents qui deviennent aussi documents historiques. Exactement. Et on le voit bien avec ces films des années 1920, c'est très important cet apport-là. Mais quand même, on peut le dire, sur le temps long, la domination est souvent victorieuse et heureusement qu'il y a ce travail fait actuellement parce que elles ont été mise de côté par rapport à tant d'autres penseurs masculins. Et vous le dites avec justesse, on la connaît moins, on les connaît moins. Il y a tout un travail à faire aujourd'hui pour mettre en avant celles qui ont porté la lutte contre les discriminations. Et on peut peut-être, et on le fait aussi, il faut le faire la même chose en France. Et il y a en effet cet ouvrage d'Annette Joseph Gabriel qui rappelle toutes ces femmes francophones qui ont participé aussi à ces questions-là. Merci vivement à toutes les deux. Cette exposition s'intitule « Déborder l'anthropologie ». Et pour poursuivre toute la réflexion, Sarah Phila Bakabadio, on peut vous lire « Africa on my mind ». Merci à toutes les deux Sarah. Merci à vous aussi. Et surtout d'avoir mis en avant ces trois figures. Il est temps pour nous de retrouver Gérard Noiriel, c'est le pourquoi du comment. Comment pouvait-on vieillir entre vieux au 19e siècle ? Au cours des dernières années, le scandale des EHPAD a fait la une de l'actualité. Des témoignages accablants ont été rendus publics sur la manière dont certains établissements traitaient ceux qu'on nomme aujourd'hui les seniors. Loin d'être nouveau, il s'agit là d'un vieux problème historique. Sans remonter très loin dans le temps, j'évoquerai aujourd'hui la situation des hospices parisiens au XIXe siècle. Les plus importants d'entre eux pouvaient accueillir plus de 1500 résidents et faisaient déjà l'objet de vives critiques. Dans la première moitié de ce siècle, vieillir à l'hospice consistait le plus souvent à passer sa vie dans un dortoir collectif. Non seulement c'est là que les assistés dormaient, mais c'est là aussi qu'ils mangeaient, qu'ils travaillaient ou qu'ils passaient leur temps libre. La promiscuité résultant de cet enfermement explique la fréquence des plaintes dénonçant les bruits et les odeurs. Mais les plus nombreuses concernaient l'occupation de ce qu'on appelait les ruelles, c'est-à-dire l'espace entre les lits. Les querelles à ce sujet prenaient des formes différentes selon le milieu social des résidents. Dans les maisons de retraite payantes, les protestations étaient énoncées dans des lettres, des télégrammes, des appels à la presse et aux élus, alors que dans les hospices gratuits, c'est la violence physique qui prenait fréquemment le dessus. Des hommes de plus de 60 ans, voire de plus de 70 ans, se livraient à des corps à corps, parfois sanglants. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, la centralité du dortoir fut progressivement remise en cause, au profit du réfectoire, des chambres individuelles ou des espaces de loisirs. Les tensions de voisinage ne disparurent pas pour autant, mais elles se focalisèrent sur les usages des espaces communs. Dans son article sur le sujet, dont je donne la référence sur notre site, Mathilde Rossigneux-Méheux cite l'exemple d'un certain Félix Bertrand, dit Trambert, preuve que le verlan était déjà en usage dans les hospices parisiens de l'époque. Pour exiger qu'on transforme un salon de loisirs en salle de lecture, il évoque le véritable supplice que constituait pour lui le fait de côtoyer des pensionnaires issus des milieux populaires, qu'il présente comme alcooliques et violents. L'étude attentive des archives montre néanmoins qu'au sein de ces hospices ont pu se nouer aussi des liens d'amitié et des relations amoureuses, aboutissant parfois à des mariages. Dans les établissements qui accueillaient les résidents les plus pauvres, cette sociabilité prit une dimension collective, illustrée dès la fin des années 1850 par la formation de sociétés de secours mutuelles. À partir des années 1880, la montée en puissance du mouvement ouvrier a donné aux résidents des hospices parisiens, issus des classes populaires, des compétences nouvelles pour s'organiser en faisant de la promiscuité qui leur était imposée une arme politique. Leur mouvement culmina en 1908, quand ils lancèrent une pétition qui recueillit 1600 signatures afin d'obtenir une meilleure alimentation, un salaire pour les travaux qu'ils exécutaient dans l'hospice, l'accès aux transports en commun et le droit à une sépulture gratuite. Merci Gérard Noiriel, c'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Jeanne Copé, Jeanne Delecroix, Toscane Vudès, Mathieu Copal et Mayouen Guizou. Le cours de l'histoire à écouter, à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.